Section 3 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 3. Une scène de collège par Paul Hervieux. Chapitre 3. D'où provenait le différend entre Bonchon et Grutch? Ou plutôt, d'où ne serait-il pas provenu? Grutch était anglais et Bonchon français. Le premier était en lettres et le deuxième en sciences. Le sergent à la gymnastique, c'était Grutch. Mais qui était préposé, par la confiance du principal, au maniement de la cloche pour carillonner les divers appels? Bonchon. Évidemment, Grutch comptait comme le chef des coureurs au bar et constamment, Bonchon devenait son prisonnier. Oui, mais ce dernier jouissait des fonctions honorifiques qui consistent à reporter au net les listes des mises en retenue pour la promenade du jeudi. Et si, par hasard, Bonchon s'avisait d'omettre un nom dans sa copie, on peut hardiment jurer que ce n'était jamais celui de Grutch. Et puis, quoi? Eh bien, Grutch était Grutch, et Bonchon, Bonchon. On voit donc bien qu'il fallait que cette affaire fût tirée au clair pendant une récréation de midi, avant les vacances de Noël. Fin de la section 3, lue par Margot.